Le chat du rabbin de Johann Svarr, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Quatrième épisode. L'Exode. Sois loué, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Amen. Ma maîtresse a fini par épouser le juif de Paris, comme elle le voulait. Sois loué, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements. Amen. Amen. C'est mon maître lui-même qui a officié la cérémonie. Sois béni, Éternel, qui sanctifie Israël, ton peuple, par le dais nuptial et la consécration du mariage. Amen. Tu es à présent sanctifié par cet anneau, selon la loi de Moïse et d'Israël. Mazel Tov ! Ils sont allés dans leur chambre, j'ai même pas eu le droit de les suivre. J'ai dû dormir avec mon maître. C'était la première fois depuis bien longtemps. Il sent moins bon que sa fille, et en plus, il ronfle. Oh, que la vie est triste. Jamais je ne supporterai ça. Le père du voleur de ma maîtresse n'est même pas venu au mariage. Alors pour le voyage de noces, ce sont eux qui sont allés le voir à Paris. Chérie, tu peux bien m'aider à porter ma valise, s'il te plaît? Ma maîtresse a rempli sa plus grosse valise, parce qu'elle voulait être belle à Paris. Et la malle avec mes livres aussi. Tu sais, avec mon dos, je peux pas. Bien sûr. Oh là là. Ah oui, c'est sacrément lourd. C'est des livres. Papa, reste avec nous. Reste à côté de moi. Les billets, où sont les billets? Je sais pas, j'ai les billets. Les billets. Chérie, regarde, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est là. Lorsque mon maître a dit que nous allions les accompagner, je crois que ça les a pas beaucoup enthousiasmés. Mais mon maître a rouspété, alors ils ont quand même fini par lui prendre un billet. C'est important tout de même que je connaisse la famille de mon gendre, non? Mais oui, papa. Moi, je voyage gratuitement. Et peut-être qu'on verra aussi mon neveu Rébibo dans cette capitale. Vous connaissez son adresse? Non. Ah, ben c'est grand Paris, vous savez. Mais papa, pourquoi tu pleures? Mais parce qu'on quitte l'Algérie, ma fille. Arrête. On sera de retour dans 10 jours. Mon maître aime bien faire un peu de cirque de temps en temps. Mais moi, j'ai été content de traverser la mer pour la première fois. À Marseille, dès l'apparition des premiers beaux jours, chaque dimanche ou jour férié donne lieu à un exode d'un genre particulier. Dès le matin, la cité... À Marseille, il faisait aussi chaud que chez nous. Et si on va à la synagogue, on le croisera sûrement, mon neveu. Il y en a plein de synagogues à Paris. Ah, parce que tu connais les synagogues de Paris, toi, maintenant. Ou alors, dans un théâtre. C'est un chanteur. Il doit être très fameux depuis... Combien de temps déjà qu'il est parti? Ouf. 3 ans, au moins. Ça te dit rien, mon fils, Raymond Rébibo? Non. Et peut-être qu'il chante sous un autre nom. Raymond Rébibo, il irait renier le nom de ses ancêtres? Non, impossible. Tiens, il y a un nuage là-bas. On doit arriver dans le nord de la France. Nous sommes seulement en gare d'Avignon. Je vais quand même enfiler mon manteau, ce sera plus sûr. Flavia, ma fille, tu peux me passer la valise qui se trouve juste au-dessus de ta tête, s'il te plaît? Mais, papa, il fait pas froid, voyons. Il vaut mieux être prudent. Et mon écharpe? Non. J'aurais pas oublié quand même. Ah non, la voilà. En tout cas, je me demande ce qu'il est devenu celui-là. Depuis qu'il est à Paris, plus de nouvelles. Rien. Peut-être qu'il a eu honte. Honte? Mais de quoi? Je sais pas. Peut-être que sa carrière n'a pas bien marché. Et puis qu'en attendant le succès, bah, il a préféré se faire oublier. Non, non. Tu verrais comme il chante. Même l'opéra, il sait faire. Puis il se déguise. Il dit des blagues tout le temps. Tout le temps. Quoi? On est arrivé. Regarde. On est arrivé. Gare de Lyon. Mais à Lyon? Normal, on est à la gare de Lyon. Gare de Lyon. À part la gare de Lyon. Attends, je vais t'aider pour descendre. Lorsque nous sommes descendus du train en gare de Lyon, qui se trouve à Paris, mon maître était tellement en nage qu'il avait l'air de sortir du hammam. Je ne savais pas qu'il était aussi chaud ce matin. Papa, je te l'avais dit. Ça va, papa? La famille du mari avait envoyé un domestique nous chercher à la gare. Moi, je pense qu'il a écrit et que les lettres n'ont jamais arrivé. Monsieur, si vous voulez bien vous donner la peine de monter. C'est pour nous, ce carrosse? Bon. Il voulait nous emmener chez le père. Mais mon maître préférait se promener un peu avant la synagogue. Oui, parce que c'était vendredi. Tu sais, il suffit d'un petit antisémite. Et voilà. Ou alors, c'est qu'il a trop de travail. Et il se dit, dès que j'ai 5 minutes, j'écris à tonton. Et les 5 minutes, depuis 3 ans, il n'arrive pas à les trouver. Le marié en avait un peu marre d'entendre parler du neveu de mon maître. Ou alors, mais regardez un peu. Eh ben voilà, nous sommes à Paris. Ah oui, oui. Vous voyez là? Mais c'est quoi ça? Sur votre gauche, bah, c'est la Seine. La Seine? On est pauvres. Ils n'ont même pas la mer? Ah non. Qu'est-ce que c'est beau. Et regarde, papa. Ah, et voici les Champs-Élysées. C'est tout de même quelque chose, hein. Qu'est-ce que c'est grand! Oui, ça c'est grand. Mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? C'est triste. Papa. Quoi? Tu crois qu'il mettrait, je sais pas moi, des palmiers? Enfin, quelque chose pour égayer un peu. Des palmiers? Et 2 eaux minérales et 1 jus d'orange. Merci. Merci. C'est-à-dire que les pauvres. Heureusement qu'ils sont tout le temps occupés, parce que dans cette ville, si tu as 2 minutes pour t'asseoir et regarder le ciel, tu pleures tellement c'est gris. Quoi? Pourquoi tu regardes ton père avec ses yeux noirs? Toi qu'on dirait Pharaon maudissant Moshe Rabbeinu. Papa? Si tu voulais pas de ton vieux père dans ce Paris, il fallait le dire, Zabia. Voyons, Abraham. Et tu crois que ça me fait plaisir à moi, cet exode? Tu t'imagines que je suis heureux, que le mari de ma fille, il m'emmène chez les Esquimaux? Papa, papa, c'est Shabbat. Tu te calmes, oui? On va à la synagogue, on va dîner chez les parents de Jacques, et ensuite, on passe de bonnes vacances. Et si toi, tu ne veux pas sortir, si tu veux rester 1 semaine dans ta chambre à râler et attendre leur tour, eh bien, t'attendras. Quoi? Tu veux m'enfermer maintenant? Tu vois, mon fils, elle a honte de moi. Le chauffeur nous attendait à la sortie de la synagogue. Mais mon maître a dit que Shabbat, on doit rentrer à pied. Et ton papa, on ne l'a pas vu à la synagogue, mon fils? Il n'est pas très religieux. En Algérie aussi, on fait tout à pied le Shabbat. Mais là-bas, il pleut pas. Bon, il n'est pas très religieux, mais c'est Shabbat quand même. Il fait pas trop Shabbat. Pas trop. Il le fait ou il ne le fait pas? Pas. Razvé Shalom, ma fille, tu m'entraînes chez des gens qui ne craignent pas Dieu. Papa. Ah non, mais tout sera strictement cachère, hein, j'y ai veillé. Mais dormir là-bas, je ne peux pas, moi. Une maison où l'on va allumer, éteindre, porter, fumer même, peut-être. Ma fille, tu me prends un hôtel. Et avec quoi vous allez le payer, votre hôtel, si c'est Shabbat et que l'argent, on ne doit pas y toucher ce soir? Papa! Demain soir, je les paierai. Trouve-moi un hôtel, Zabia. S'il vous plaît, faites pas ça. Ce serait une offense pour mon père. C'est trop grave. Mais alors tu vas venir manger, et après tu te lèves et tu dis « Merci bien, maintenant je vais dormir à l'hôtel, c'est ça ?» Non, non, non, c'est pas possible. Allez, viens. Voilà. C'est là. Non, attendez. Le Shabbat, il sonne. Mais quel genre de rabbin c'est, celui-là? Je vais m'en aller. Vous direz que je suis resté à Alger, que j'ai raté le bateau. T'es fou? Vous direz que c'est votre voyage de noces, que vous n'alliez quand même pas vous encombrer d'un vieux. Je m'en vais. Embrasse tes parents pour moi. Mais papa, où tu vas aller? On se retrouvera au train. Dans 1 semaine. Mais il n'a même pas ses affaires. Il n'a pas d'argent. Laisse, il nous emmerde. Et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans cette belle maison de juifs tellement élégant qu'on dirait des Français? Maman, je te présente Zlabia, ma femme. Où est-ce que je suis, mon maître? Si ça se trouve, il donne à manger aux chats dans des assiettes en argent. Peut-être même que les animaux ont le droit de s'asseoir à table dans cette maison moderne. Et moi, je reste avec ce fou-là. Mais je suis trop con. Tu n'as donc plus peur de te mouiller, toi? Excuse-moi, mais je n'ai pas le droit de te porter. C'est Shabbat, tu comprends? T'en fais pas. Avec l'aide de Dieu, on va bien retrouver mon neveu Ribibo. Lui, il respecte Shabbat au moins. Tu sais ce qu'on va faire, mon chat? Miaou. Non. Bah moi non plus. Quel dommage que tu ne veuilles plus me parler. Comment ça, je ne veux plus parler? Comme si je le faisais exprès. En plus, il va me culpabiliser avec ça maintenant. Dieu ne répond jamais à mes prières et même mon chat ne me parle plus. Pas trop chaud, hein? Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre pour la nuit. Comme je suis juif, je n'ai pas le droit de transporter de l'argent le vendredi soir. Voilà, mais chut, mais qu'est-ce que tu vas lui raconter ta vie, là? Mais demain, dès qu'il fera nuit, j'irai chez mon gendre et je vous rapporterai de quoi payer. J'ai un chat, mais il est très propre. Alors? C'est d'accord? Non, tire-toi. Pardon? Tire-toi, je te dis. Tu pouvais pas te taire, non? On allait dormir, là! Et demain, tu lui expliquais tout? Et arrête de miauler! Ou tu parles, ou tu te tais! Son nez s'est mis à couler. Voilà. Et comme ses mouchoirs étaient dans la valise, il s'est essuyé sur la manche de son manteau. C'était dégoûtant. Je sais. On va aller dormir à la synagogue. Mais la synagogue était fermée. Il y avait une sonnette électrique à la porte. Mais mon maître ne voulait pas transgresser le Shabbat en actionnant un mécanisme électrique. Alors nous sommes repartis sous la pluie, comme deux nigauds. Plus loin, il y avait une petite église. Elle était ouverte. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il existe un commandement qui nous interdit d'entrer dans une église chrétienne? Non, après tout, Dieu est partout, et ici il ne pleut pas. J'espère qu'on ne va pas nous jeter dehors si on le trouve ici. Mais non, Andouille. Il n'y avait personne d'autre que nous dans l'église. Pourtant, mon maître tenait quand même à respecter les coutumes. Alors que chez nous, il est interdit de se présenter tête nue devant le Créateur, les chrétiens, eux, se découvrent dans les lieux saints. Je vais enlever mon chapeau et garder ma kippa. Mon maître ne semblait pas très à l'aise devant ce rabbin de Palestine qui agonisait sur la croix. Comment ils peuvent se concentrer sur la prière face à une sculpture pareille? On voit même le sang et les yeux révulsés. Est-ce que je vais réussir à trouver le sommeil avec ça? Et là, c'est quoi ces boîtes? Des os! Ils exposent les morceaux de cadavres de leurs grands hommes. Oh! Derrière les reliques, il y avait la peinture d'une jeune femme avec les yeux crevés. Une autre avec du plomb fondu dans la gorge. Et une autre encore avec les seins tranchés qu'elle tenait dans un plateau. Oh! Oh! Oh! Éternel notre Dieu, pardonne-moi d'avoir posé les yeux sur la poitrine tranchée de la dame. Donne-moi le sommeil, je t'en prie. Mais Dieu ne voulait pas lui donner le sommeil encore. Mon maître sursautait au moindre bruit. Pardon, pardon, éternel. Pardon d'être là et d'être juif. Et d'avoir regardé la dame nue et l'idole sanguinolente et abusé de l'hospitalité. Et pardon pour Ponce Pilate qui a tué le rabbin de Palestine. Avec les conséquences que l'on sait. réfléchir toi-même. Tu sais qui c'est, mon maître? Mon maître, il est évêque de Jérusalem, je te signale. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il fiche à dormir sur ce banc comme un pouilleux? Bah là, il fait pénitence. Il prend sur lui toutes les fautes des nations. Comme ça, en grelottant sous la pluie? Oui, parce qu'il a fait vœu de pluie. Ah bon? Mon maître est venu voir sa fille qui est parisienne. N'importe quoi! Un évêque, ça a pas d'enfant. Ah ouais? Eh ben, lui, si. Un curé, ça baisse pas, ça se marie pas, ça fait pas d'enfant, je te ferais dire. Ouais, sans doute, mais un évêque. Pareil! Et je m'y connais. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Toi, tu connais que la France, mais à Jérusalem, c'est permis, hein. Quoi, tu me crois pas? Ah, tu me crois pas? Bah, viens. Viens, tu verras dans quelle somptueuse demeure vit la fille de mon maître. Ouais, bah, tu peux voir. Ah, attends, arrête de grogner comme ça là. Attends ici, c'est pas une maison pour les chiens. Dans quelques minutes, je serai là-haut à la fenêtre, dans les bras de ma maîtresse. D'accord? Et tu verras les incroyables choses qu'on me donne à manger là-dedans. Menteur, c'est pas chez toi ici. Tu serais pas obligé de grimper au mur si c'était ta maison. Eh ben on verra bien. Maslabia? Pourquoi t'es pas en train de dîner avec les autres, ma petite maîtresse? Qu'est-ce qui se passe? Maslabia, tu viens, on t'attend. Non. Mais écoute, c'est grotesque. Non. Je veux pas me montrer comme ça. Tes soeurs, elles sont belles, elles ont des robes magnifiques. Moi, j'ai l'air d'une gardienne de chèvre. Mais je t'en achèterai des robes. Allez, viens. Tu vois, toi aussi, tu me trouves ridicule comme ça. Arrête. Je t'aime. Tu m'as plu dès la première fois où je t'ai vue. Je te plaisais en Algérie. Mais ici aussi. Allez, viens. Mes sœurs n'ont fait que des compliments sur toi, tu sais. Je suis sûre qu'entre elles, elles font des réflexions. Mais sur la Torah, je te jure que non. Allez. T'as vu? C'est ma maison ici. Je peux venir. Ah, c'est fou ce que j'ai gagné en souplesse. Hey, tu m'invites pas? Plus tard. Plus tard. Là d'abord, il faut que j'aille chercher mon évêque et lui dire que sa pénitence est finie. Sinon, il va attraper une pneumonie à l'église. Tu réponds? Mais c'est taillé ton maître. Mince alors. Il a oublié son manteau. Tu crois qu'ils sont venus pour l'arrêter? Attends, laisse-moi renifler ça. Pareil qu'avec la pluie, les chiens ils peuvent leur faire. Hein. Foutaise. C'est ce qu'on m'a dit. Foutaise. Alors, ça sent l'iode, le cumin, la poudre de tabac, le coin et le... Claude Giroff, il est épicier ou quoi? Mais non, mais il met ça dans ses poches, c'est pour Kippour. C'est Kippour? Oui, je viens de comprendre. Mais non, Kippour, c'est la commémoration de la bar mitzvah de Jésus. Vous avez pas ça en France, vous? Non, mais je connais pas, c'est où bar mitzvah? Oula, mais t'es un chien de cirque ou quoi, toi? Bon, écoute, arrête de me poser des questions. Trouve mon évêque et lui, il te répondra. Bon, ça me courir, là. Ah, tu me les balottes, hein. Et après, on ira au bar mitzvah. Ouais, bah oui. C'était un bon chien. Il a vite trouvé une piste. Ça mène ici. Tu crois qu'il a pu aller au resto? Shabbat. Ouais, ça m'étonnerait. Il était là, assis seul à une table, en train de passer commande. Voilà, monsieur. J'ai beaucoup d'argent pour vous payer et je voudrais bien manger. Certainement, monsieur. Avez-vous du jambon? Mais bien sûr, et de la meilleure qualité. Et du boudin? Cette chose fabriquée avec du sang de porc, vous en donnez à vos clients aussi? Absolument, monsieur. Alors vous me mettrez du jambon, du boudin, des escargots, des fruits de mer, et de l'espadon, qui est un poisson sans écailles. Mm-hmm. Et des huîtres. Vérifiez bien qu'elles sont vivantes, s'il vous plaît. Bien sûr. Et un verre de lait avec le jambon. Et un bon vin, du nom d'une église ou d'une Vierge Marie. Un château neuf du pape. Ah, parfait. Vous vérifierez bien que la bouteille n'a pas été débouchée par un juif et qu'aucun juif n'a fait des prières devant ses nourritures. J'y veillerai, monsieur. Qu'est-ce qu'il a contre les juifs, ton évêque ? Attends, voilà, toi. Tu vas assister au repas le moins cacheur du monde. Voilà, monsieur. Attention, l'assiette est chaude. Merci. Ouh. Le petit chien en veut aussi. Tiens. Éternel, parle-moi. Tu me vois, Éternel ? Je vais transgresser tes commandements. Dis-moi de ne pas le faire. Dis-moi que si je me prive depuis 60 ans de ces nourritures, c'est que cela a servi à quelque chose. Dis-moi que tu seras triste si je transgresse ta loi et que quand mon épouse est morte, c'était ta volonté et que cela avait un sens dans ton dessein. Il ne dit rien. Il m'éprouve. Ou bien, il n'existe pas. Ou alors, il relève uniquement de l'être, ce qui revient au même. Le rabbin a mangé. Et le monde ne s'est pas écroulé. Juste une fois, j'aurais mangé tout ça, Éternel. Mais dès demain, je te craindrai à nouveau. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui nous permet de transgresser l'interdit. Monsieur Chabert. Oui, monsieur. Dites-moi, je vais vous payer, car j'ai beaucoup d'argent. Mais d'abord, dites-moi comment on fait à Paris si on cherche un monsieur qui s'appelle Rébibo. Hein? Et qu'on ne sait pas son adresse. S'il a le téléphone, on peut regarder dans l'annuaire, monsieur. Ah, c'est bien ça. Faites voir. Tout de suite, monsieur. Voilà. Ah, j'ai aussi. On a l'annuaire. Mais il n'y a pas le téléphone dans ma maison. Cet annuaire-là, bon, je ne connais pas trop. Vous voulez bien me chercher Rébibo ? Parce que moi, ça me dit non. Bien, monsieur. Alors, Rébibo. Raymond ? C'est lui ! Appelez-le, s'il vous plaît. Oh, grand lecteur d'annuaire en français ! Mon maître a eu son neveu au bout du fil, qui lui a dit que tout allait bien et qu'il faisait de la musique dans un théâtre. Mais toi, tu es riche ! Le rabbin a demandé s'il était riche. Et Rébibo a dit que, grâce à Dieu, ça allait. Alors le rabbin lui a dit de venir nous rejoindre pour payer le restaurant. Voilà, c'est réglé. Le chanteur Raymond Rébibo va venir en personne dans votre établissement. Et il va vous payer. Bien, monsieur. On va l'attendre. Tout à fait. À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Sfar. Adaptation. Catel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargo. Quatrième épisode. Avec Rufus, Jonathan Cohen, Sulian Brahim, Slimane Yefsa, Laurent Ferraro, Patrice Abou, Marc Léonian, Christophe Chen, Antoine Sastre, Étienne Grebeau, Johanna Nizar, Philippe Bautier. Et les voix de Ève Rouvière, Léa Moscovitz, Marie Dogno, Christine Braconnier, Claire Boger, Mathias Timsit, Xavier Xapla, Christophe Chen, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hénon. Bruitage, Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Ossire.